بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله أيها الأحبة. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui le samedi 28 Jumada الثانية de l'année 1443 de l'Hégire, correspondant au 21 janvier 2023. Nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala afin de poursuivre ensemble notre lecture dans Al-Fatawa al-Jaliyya du Cheikh al-Allama Ahmed bin Yahya al-Najmi, qu'Allah lui fasse miséricorde. Cheikh al-Najmi rahimahullah, c'est parmi les chouyoukhs de Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali. Donc on s'est rendu à la question numéro 42, dans laquelle Cheikh Rahimahullah a été interrogé et on lui a demandé de répondre à deux questions. Après une introduction, les deux questions sont les suivantes. Quel est le jugement de celui qui dit que le comité des grands savants, bien évidemment il parle du comité des grands savants en Arabie Saoudite, quel est le jugement de celui qui dit que le comité des grands savants, ces savants-là ne comprennent pas la réalité et ignore la réalité. Et quel est le jugement de celui qui dit que la mise en place de ce comité de grands savants est une idée des francs-maçons? C'est une idée de la franc-maçonnerie. Donc, dans cette question, quelque chose qui n'est pas d'aujourd'hui, qui n'est pas une chose récente, l'accusation des hommes de science, l'accusation des savants parmi Ahl-Sunna wal-Jama'a. La réponse de Cheikh. Bien évidemment, je vais résumer la réponse, car la réponse est extrêmement détaillée. Car c'est une chose très très grave. Accuser les hommes de science, ceux qui portent cette religion, ça revient à accuser la sunna qu'ils portent et qu'ils propagent et qu'ils défendent, comme Cheikh Rahimallah va le détailler dans cette réponse. Donc il a dit que ça c'est un mensonge à l'égard de ce comité des grands savants avec lequel on vise à les dénigrer et à les critiquer sans raison valable et à les mépriser. Et ça, ces accusations, ils ne peuvent sortir que de la bouche de quelqu'un dont le cœur est rempli de haine et de rancune à l'égard des hommes de science. Et le troisième point, il faut savoir que celui qui déteste les savants salafis, qui enseignent la parole d'Allah et la sunna de son prophète alayhi salatu wassalam, ceux qui enseignent aux gens la religion conformément au livre d'Allah et la sunna de son prophète alayhi salatu wassalam, ceux qui propagent cette religion de jour comme de nuit, celui qui les déteste, c'est un innovateur égaré, hypocrite. Quatrièmement, il faut savoir que celui qui accuse les grands savants ce genre d'accusation, comme Cher a dit précédemment, c'est un mensonge. Car les savants, ils ne donnent et ils n'émettent un jugement concernant une affaire religieuse qu'après avoir étudié sa réalité et qu'après avoir étudié tous les éléments qui peuvent influencer la réponse et avoir un effet sur la réponse. Et ça, c'est le devoir de celui qui fait une fatwa, qui émet une fatwa, ou celui qui donne un jugement, al-qadi. Ça, c'est le devoir de l'mufti et de l'qadi. Entre parenthèses, l'qadi, il a une responsabilité supplémentaire. L'qadi, il doit vérifier la véracité de ce que tu dis, avant de donner son jugement. Ça, c'est pas un devoir pour l'mufti. L'mufti, tu lui donnes une question, il répond selon ta question. Et ce n'est pas à lui de vérifier est-ce que c'est vrai, est-ce qu'il y a des éléments qui n'ont pas été cités. Ça, ce n'est pas le rôle de l'mufti. Lakin, al-qadi, il est de son devoir de vérifier la véracité des éléments qui ont été soumis. C'est pour ça, parmi les différences entre le mufti et le qadi, c'est que le mufti, il ne peut pas imposer sa fatwa. Contrairement au qadi, dont le jugement incombe à la personne. C'est pour ça, vous entendez souvent les savants quand ils sont interrogés au sujet de questions qui concernent le mariage et le divorce, il demande de revenir au juge qui juge avec la loi d'Allah dans le pays où tu es ou dans un autre pays. Pourquoi? Parce que le juge, il va vérifier est-ce que les propos du mari sont vrais à l'égard de son épouse, toutes ces accusations, est-ce qu'elles sont vraies ou est-ce qu'il ment? Et si c'est la femme qui donne, qui pose la question, également il va vérifier la véracité de ses accusations à l'égard de son mari, avec des preuves. Là qu'il mufti, tu lui dis, ma femme a fait ça et ça et ça, il te donne le jugement d'Allah par rapport à ce que tu as dit. Et si la femme pose la question, c'est de même. Donc, celui qui accuse les savants d'ignorer la réalité, il les accuse d'être stupides, d'être abrutis, d'être bêtes et de ne pas comprendre ce qui se passe autour d'eux. Cinquièmement, ceux qui accusent les savants d'ignorer la réalité, qu'est-ce qu'ils veulent par cela ? Est-ce qu'ils veulent que les hommes de science s'occupent de la politique et de l'analyse des événements politiques? Est-ce que c'est ça l'ignorance de la réalité pour eux? Ou de donner des hypothèses et des avis qui sont basés sur la conjecture seulement et non, qui n'ont pas de fondement solide. En réalité, ceux qui accusent les savants d'ignorer la réalité, ils visent ce point que Cheikh a cité ici. C'est pour ça l'un d'entre eux, il peut se vanter de lire le New York Times. Il lit les journaux européens, les journaux américains, il connaît ce qui se passe dans le monde. Pour lui, c'est ça la connaissance de la réalité. Alors que la connaissance de la réalité qui incombe à l'homme de science, c'est celle qui est en lien avec la question qui est posée. Et est-ce que les prophètes, ils avaient cette connaissance-là que eux, ils veulent imposer aux savants ? Donc ça, ce n'est pas quelque chose nécessaire dans la réponse aux questions religieuses. Et malgré ça, il y a des grands savants qui s'intéressent à ce genre de sujet. Mais ce n'est pas une obligation pour l'homme de science. Et ce n'est pas parce qu'il s'intéresse qu'il va donner ses avis dans toute chose, ce que ces gens-là, ils veulent des savants. C'est pour ça qu'ils ont inventé un statut qu'ils ont appelé al-mufakkir, al-islami, un penseur islamique. Quand tu leur demandes c'est quoi un penseur islamique, est-ce que c'est un homme de science? Non. C'est quelqu'un qui a étudié la religion? Non. Mais c'est quelqu'un qui va remplir cette fonction que eux ils veulent. Voilà dans nos relations avec les États-Unis, avec l'Europe, avec ce genre de choses. Sans avoir de fondement religieux. Et bien évidemment, ça mène à l'égarement. L'homme de science, il ne dit pas tout ce qu'il sait. Il parle quand c'est un bien de parler. Et pas toute chose qui se sait, elle se dit. Et pas toute chose qu'on doit dire, le moment où on doit la dire est venu. Et pas toute chose qui doit se dire et que son moment est arrivé, ceux qui sont habilités à la comprendre sont présents. Donc, tout ça est pris en considération par les savants. Ils parlent avec la sagesse. Ils disent les choses dans lesquelles il y a un bien. Également, les hommes de science, notamment les grands savants, ont beaucoup de responsabilités et d'occupations et de fonctions. Ils donnent des cours, ils animent des conférences, ils émettent des fatwas, des avis juridiques, ils étudient des livres pour les faire sortir à la Ummah. Ils les révisent, ils supervisent des thèses, des doctorats, des magistères, et ainsi de suite. Ils ont énormément de fonctions et de responsabilités en plus de tous les cours qu'ils donnent. Et ça, c'est assez pour un homme de science, pour s'intéresser à lire un journal américain et penser que celui qui a lu ce journal, il a dépassé les hommes de science. Et aussi, il faut savoir que celui qui maîtrise le livre d'Allah et la sunna de son prophète, alayhi salatu wassalam, avec la bonne compréhension, c'est celui-là qui connaîtra le mieux la réalité. Est-ce que le livre d'Allah et la sunna de son prophète, alayhi salatu wassalam, c'est deux sources dans notre religion? Est-ce qu'ils étaient révélés pour un monde imaginaire ou pour faire face aux problèmes de notre réalité, de notre quotidien? Mais ces ignorants, tellement ils ignorent le Coran, ils ignorent Sunna, ils pensent que la science de la réalité se trouve dans les journaux et les magazines des kuffars. Et aussi, Cheikh, il a cité un dernier point très très important, c'est qu'il faut savoir, mes frères, que ceux qui accusent les hommes de science de cette manière ont une ressemblance avec les Juifs. Car les Juifs, ils étaient connus pour élever celui qui est en accord avec eux et pour rabaisser et dénigrer celui qui est en désaccord avec eux. Et ceux qui font ça par excellence à notre époque sont les Ikhwan al-Muslimin, cette secte des frères musulmans. Wallah, rien que le nom doit nous interpeller. Rien que le nom de cette secte. Les frères musulmans. Comme si nous, on n'est pas des musulmans. Si on n'adhère pas à leur parti politique, comme si on n'était pas des musulmans. Il n'y a que eux qui sont des frères musulmans. Tous les musulmans sont des frères en Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ça, c'est bien évidemment le sectarisme, al-hizbiya, qu'Allah nous en préserve. Et les innovateurs, ils sont connus par ce que Cheikh a décrit ici. Celui qui est en accord avec eux, il l'élève. Et celui qui est en désaccord, il le rabaisse et il le dénigre. Comme les juifs. Comme les juifs. Et ça, c'est arrivé pour un grand compagnon qui s'appelle Abdullah ibn Salam, radiallahu anhu. Abdullah ibn Salam, un très grand savant juif, avant l'envoi du prophète, alayhi salatu wassalam, c'était un des plus grands savants des juifs. Et non seulement lui, il était un grand savant, il est descendant d'une famille de savants chez les juifs. Et il était parmi les meilleurs d'entre eux. Cet homme, quand il a vu le prophète, alayhi salatu wassalam, il a su que c'était l'envoyé d'Allah. Car les juifs, ils ont tellement de signes du prophète, alayhi salatu wassalam, qui peuvent se tromper au sujet de leurs enfants, qui sont leurs descendants, et ils ne peuvent jamais se tromper au sujet du prophète, alayhi salatu wassalam. Comme Allah nous l'a dit dans le Coran. يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ. Mais c'est des menteurs, c'est des gens orgueilleux, c'est des gens qui se placent au-dessus de la vérité. C'est pour ça quand Abdullah ibn Salam, radiyallahu anhu, quand il a vu le prophète, alayhi sallam, il a su que c'était le messager d'Allah. Et le Nabi, alayhi sallam, il a voulu profiter de cette occasion pour faire da'wah aux juifs. Regardez, un des meilleurs parmi vous a accepté l'islam pour leur faire da'wah. Mais Abdullah ibn Salam, qui connaît mieux les juifs, il lui a dit au messager d'Allah, attends, les juifs sont des gens menteurs. Si ils apprennent que je suis devenu musulman, ils vont mentir à mon sujet. Commence d'abord par les convoquer et interroge-les à mon sujet, avant de leur dire quoi que ce soit au sujet de mon islam. Effectivement, c'est ce que le Nabi a fait. Il les a réunis, il leur a dit, qu'est-ce que vous pensez de Abdullah ibn Salam? Ils ont dit, c'est le meilleur d'entre nous, le fils du meilleur d'entre nous, le plus grand savant parmi nous, le fils du plus grand savant parmi nous, et ainsi de suite. Plein d'éloges. Ensuite, Nabi A.S. leur a dit, qu'est-ce que vous pensez si jamais il devient musulman? Ils ont dit qu'Allah le préserve de cela. Et ensuite, Abdullah ibn Salam, radiyallahu anhu, est sorti, et il a dit, « Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammad al-Rasulullah. » Tout de suite, ils ont dit, c'est le pire d'entre nous, et le fils du pire d'entre nous. C'est le plus grand ignare parmi nous, et le fils du plus grand ignare parmi nous. Regardez comment ça s'est inversé en quelques secondes. Et ensuite, Abdullah ibn Salam, il a dit au prophète, alayhi sallam, ne t'avais-je pas dit que ce sont des gens menteurs? Ça a été rapporté par l'imam al-Bukhari dans son authentique. Donc, les hizbiyoun, les sectaires, ils ont pris cette caractéristique des juifs. Et c'est pour ça, quand quelqu'un est en accord avec eux, il te montre que ses qualités. Et quand quelqu'un n'est pas en accord avec eux, il te montre que ses défauts. Regarde comme quand il parle de certains pays en Arabie, dans la péninsule arabique, où il y a une domination des frères musulmans. Ce pays est très connu. C'est le pays qui a organisé la Coupe du Monde dernièrement. Regarde comment ils embellissent ce pays et comment ils le décrivent comme le pays le plus attaché à l'islam dans le monde. Et d'ailleurs, regarde comment, à travers les médias, tout ce qui est relaté, comme si cette Coupe du Monde, c'était la da'wa à l'islam, uniquement. Et il n'y avait pas de mal dans cette Coupe du Monde. C'est connu que la Coupe du Monde, quand elle est organisée dans un pays, même le pays le plus déviant, le plus dans lequel il y a le plus de déviance et de façade et de corruption, l'organisation de la Coupe du Monde est une cause que cette corruption s'aggrave encore plus, comme c'était le cas au Brésil. Le Brésil, c'est un des pays les plus... dans lequel il y a le plus de corruption et de déviance dans le monde. Et malgré ça, ils se sont plaints, suite à l'organisation de la Coupe du Monde, de beaucoup de problèmes qui se sont aggravés chez eux. Il y a l'argent qui rentre, naam, lakin, il y a le façade qui se propage, les maladies sexuellement transmissibles, les drogues, tout ça. Et c'est connu que ces coupes du monde sont accompagnées par ce grand façade. Mais quand tu vois ce qui s'est passé là, dernièrement, tu as l'impression que c'était da'wa à l'islam dans son authenticité, dans sa beauté. Il n'y a pas de défaut. Tout est parfait. Lakin ça, c'est en général le travail de l'hizbiyin. Naam, il y a des choses meilleures. L'an al-muslim, ça reste un muslim. Quelles que soient ses déviances, quels que soient ses défauts, ça reste un muslim. Et surtout, les gens de la péninsule arabique, ils ont cette fierté, cet attachement à l'islam. Après, ça peut être un islam dans lequel il y a des innovations, il y a des déviances. Lakin, ils ont ce point que tu constates beaucoup moins dans les pays du Maghreb, où les gens, presque, ils ont honte d'être un muslim. Illa man rahimallah. Ici, non. Ils se vantent, même si c'est le plus grand déviant et il fait tous les péchés possibles et imaginables, tu trouves qu'il est fier de l'islam. Il y a une base. Il y a une base solide qui est donnée dans l'enseignement primaire. Et quand tu vois ce qu'ils apprennent aux enfants, par exemple ici à Médine, dans les classes maternelles, le hadana, avant le primaire. C'est un niveau que peut-être tu ne trouveras pas chez quelqu'un qui sort d'une université islamique religieuse dans certains pays du Maghreb. Et ça, c'est une réalité. Il y a un niveau assez élevé. Il apprend tawhid, il apprend en maternelle. Il apprend tawhid, il apprend l'aqida, des points importants de l'aqida, l'adoration, le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il apprend pas mal de fiqh qui concerne les quatre adorations et d'autres choses très importantes qui concernent le comportement, l'adhkar et ainsi de suite. Donc ça, c'est quelque chose qui est connu chez les innovateurs et les suiveurs des sectes, c'est qu'ils accusent les grands savants de ce genre d'accusation. Ils disent que ce sont les esclaves du gouverneur, ils ne peuvent donner une fatwa qu'après son accord, ils font le fatwa et c'est lui qui la tamponne. Ça a été posé une fois à Cheikh Saleh, notre noble Cheikh Saleh al-Haydan, qu'Allah lui fasse miséricorde. Ça lui a été posé cette question. Ils ont dit, le comité des grands savants, ils font le fatwa, mais ils attendent que ce soit tamponné par le gouverneur. Il leur a dit, moi je vais vous dire ce que je connais, depuis que je suis dans ce comité des grands savants. Et Cheikh Rahimallah, il était dans ce comité depuis sa création. Il a dit, ça fait 30 ans que je suis dedans, jamais quelqu'un ne m'a dit de faire une fatwa ou de ne pas faire une fatwa. Je fais le fatwa qui me semble la plus proche de la vérité. Après, je peux me tromper, lakin, je fais le fatwa qui me semble la plus proche de la vérité. Alors, on va croire des hommes de science qui ont la crainte d'Allah et qui ont la science des grands savants salafis, ou on va croire les hizbiyoun qui n'appliquent pas l'islam sur eux-mêmes déjà, sur leur famille. Illa man rahim Allah. Donc il y a beaucoup d'accusations qu'ils disent à l'égard des savants qui sont des mensonges. Là, mes frères, il y a un point très important à savoir. C'est pas parce qu'une personne, elle fait partie du comité des grands savants que c'est un grand savant. C'est pas parce qu'il fait partie de ce comité que c'est un savant salafi. On reste sur la règle qu'on connaît tous, inshallah, et qu'on doit tous appliquer. Wallahi, il y a énormément de lacunes chez nos frères à ce niveau-là. De qui on prend la science? Et surtout aujourd'hui, à notre époque, avec ces réseaux sociaux, où celui qui est écouté le plus, c'est celui qui a le plus de suiveurs, le plus de... Wallah al-musta'an. Donc les références ont changé. Mais salafia ne change pas, mes frères. Salafia, c'est de regarder de qui tu prends ta science. Et de ne pas écouter une personne parce qu'elle a plus d'éloquence. Ceux qui ont l'éloquence comme dans le Coran, c'est les hypocrites. وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ Comme Allah Azza wa Jalla dit dans Sourate Al-Munafiqoon. L'éloquence, ce n'est pas une condition que la personne détient la vérité. Savoir argumenter, ce n'est pas une preuve que la personne détient la vérité. Chaque égaré, chaque innovateur a appris comment défendre son innovation. Ça, il faut que tu le saches. C'est pas moi qui te le dis. C'est Salaf qui l'ont dit. Kullu mubtadi'in qad luqina hujjatah. Ne crois pas qu'il vient, il ne sait pas comment dire. Non, il a tout appris. Peut-être qu'il a appris comment défendre son innovation avant d'apprendre la vérité. Donc il faut qu'on sache tous de qui on prend notre science. C'est pas parce qu'il a beaucoup de suiveurs, c'est pas parce qu'il a de l'éloquence, c'est pas parce qu'il a un argumentaire qui te semble logique et rationnel. Non, tout ça c'est pas des preuves. Et encore moins pour le débutant. Est-ce que c'est pas étonnant d'entendre un frère qui est très débutant dans l'islam? Et l'islam, c'est pas par ancienneté. C'est pas une carte de fidélité. Ça fait 30 ans que je suis dans l'islam. Ça fait 30 ans, mais qu'est-ce que tu as appris pendant ces 30 ans? Quelqu'un, il peut être dans l'islam pendant 10 ans, il a appris les règles de sa religion. Donc l'islam, c'est pas par ancienneté. L'islam, c'est avec la science. Et la mise en pratique de cette science. À quoi te sert de savoir que tu dois vérifier de qui tu prends la science? Alors que quand tu vas sur YouTube, c'est vidéo après l'autre et Allah Alam qui parle. Jusqu'à attraper énormément d'ambiguïté et devenir malade. Et peut-être rendre malade ton entourage, les gens que t'aimes le plus. C'est pas toi seul que t'exposes à ce danger. T'exposes aussi ta famille. Alors fais attention. N'écoute pas n'importe qui. Demande. Si tu sais pas, demande. Est-ce que je peux écouter un tel? Et n'est pas l'ujb. Ça fait partie de l'ujb, de penser que toi, avec ton faible niveau, t'arrives à distinguer la vérité du mensonge, le bien du mal, la guider de l'égarement. Est-ce que toi t'es meilleur que Salaf? Mohammed ibn Sirin, un imam de Tabi'in, parmi les plus grands imams dans la science de la génération après Sahaba. Il n'écoute pas un verset ni un hadith authentique d'un innovateur. Et toi, t'écoutes des séries de vidéos et d'extraits et après tu deviens malade. Et après t'as des doutes. Et après tu fais pas confiance aux savants. Et après, tu sors des règles inventées. J'écoute et je prends la vérité et je rejette ce qui n'est pas conforme à la vérité. Si t'es cheikh l'islam, naam. Amma les gens comme nous, faut savoir, mes frères, que les ambiguïtés sont fortes. Et ces égarés, ils ne sont pas venus pour jouer. Regardez un exemple. Un exemple de Zamakhshari. Jarullah Zamakhshari. Une montagne de science dans la langue arabe. Et dans les sciences de la langue arabe. Un grand Mu'tazili. Il a dissimulé l'i'tizal dans son tafsir. Al-Kashaf, qu'il a appelé Al-Kashaf. Un tafsir dans lequel il y a des perles du point de vue de la langue arabe, mais entre lesquelles sont dissimulés des grands égarements que ne peut déceler que les grands savants. Comme a dit un grand savant, il a dit « J'ai sorti ces égarements avec des pincettes, tellement c'est minutieux. » Je vous donne un exemple. Quand il a expliqué la parole d'Allah, فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. Celui qui est écarté de l'enfer et qui se fait entrer au paradis, il aura réussi. Il a dit dans son tafsir, quelle réussite est plus grande que d'être sauvé de l'enfer et entrer au paradis. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est juste. Il n'y a rien à dire. Est-ce qu'il y a une réussite plus grande que celle-là? Qui peut me dire si jamais il y a un égarement quelque part ici? Donc, il a réfuté la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala de cette manière. Car le plus grand bienfait dans le paradis, c'est la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala réellement, avec les yeux de la tête, comme il convient à la grandeur et la majesté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et non pas comme la vision des créatures. Mais c'est une vision réelle. Comme tous les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça, il faut faire très attention. Si tu dois jouer avec quelque chose, ne joue pas avec ta religion. Wallahi! C'est le plus grand trésor qui t'a été accordé dans cette dunya. Et c'est le seul trésor qui te sera bénéfique dans l'au-delà. Et ne pense pas que tu es à l'abri. Comme bien de personnes, après avoir atteint un niveau très élevé dans la science, elles s'étaient égarées. Vous avez l'exemple de l'Bayhaqi. Yani, quand on parle de l'madhab de l'imam Shafi'i, c'est qui a propagé ce madhab? C'est qui a yani, écrit les livres de ce madhab? C'est l'Bayhaqi, qui était sur l'aqida de Salaf. Et ensuite, il s'est rapproché d'un savant, Ash'ari, qui l'a fait tomber dans l'Ash'ariya, après avoir atteint un niveau élevé dans la science. Donc je disais Zamakhshari, j'ai pas fini. Zamakhshari, il a ce grand Mu'tazili, qui se vantait d'être un Mu'tazili. Il venait, il toquait à la porte de quelqu'un, il disait... C'est Jarullah Zamakhshari al-Mu'tazili. Il ne le cachait pas. Il se vantait de son innovation. Et il a expliqué qu'il a demandé les sciences de la langue arabe et qu'il a excellé dans ces sciences-là afin de propager l'i'tizal. Regardez l'intention. Il a excellé jusqu'à atteindre un niveau très élevé dans la langue arabe et dans ses différentes sciences. Notamment le balagha, sur laquelle est basé son tafsir. Donc, chaque innovateur, il a appris comment défendre son innovation. Et il a appris les ambiguïtés pour propager son innovation. Lakin, ces ambiguïtés, elles sautent et elles s'éparpillent devant la lumière des arguments de Ahl-Sunnah wal-Jama'a pour celui qui a étudié et qui a appris. Donc préserve-toi. Aie peur pour ta religion. Et sache que plus tu auras de science, plus tu vas avoir peur pour ta religion. Et non pas comme pensent les ignorants. Il a étudié deux livres, il pense que c'est bon, il est... Il est à l'abri. Il est infaillible. Il connaît la vérité. Wallahi, parmi les choses qui m'ont été le plus bénéfiques dans mon apprentissage, c'est une parole que j'ai entendue d'un homme de science dans laquelle il nous a relaté l'histoire d'un grand talib ilm qui était dans la da'wa et dans l'ilm et dans la science et qui disait que c'est pas possible que moi je dévie de la sunna après l'avoir connue. C'est pas possible. Peu de temps après, cet homme a dévié. Ne pense pas que toi t'es à l'abri. Et plus t'auras de science, plus t'auras peur pour ta religion. Jusqu'à arriver au degré de Mohammed ibn Sirin, il n'écoute pas un verset d'un innovateur. Il n'écoute que al-sunna wal-jama'a. Ne crois pas que c'est quelque chose de facile. Et que tu contrôles ta religion. Tu ne contrôles rien du tout. Le jour où tu penses que tu contrôles quelque chose, c'est le début de l'égarement. Les cœurs sont entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il les fait tourner comme il veut. L'homme, il se réveille croyant, il finit sa journée dans la mécréance. Le paradis est plus proche de l'un d'entre nous que son lacet. Et l'enfer est de même. Et plus tu as peur pour ta religion, plus tu vas te préserver. Et plus tu auras de chance de rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala sur la vérité et sur le haqq. Qu'Allah nous raffermisse tous sur le haqq jusqu'à le rencontrer. Avertissez vos frères, avertissez vos sœurs, avertissez votre entourage, car c'est un phénomène qui est très très répandu. Les gens, ils écoutent tout et n'importe quoi. Wallah al-musta'an. Qu'Allah nous préserve. On va finir avec une autre question. La question 48. Il a été demandé au Cheikh un conseil bénéfique pour ses frères en Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à la mise en garde contre le sectarisme et toutes ces sectes qui se sont écartées de la voie de Salaf. Et qu'est-ce que vous pensez de celui qui dit « Il n'y a pas besoin de toutes ces mises en garde. » Les mises en garde, ça fait peur. Ça trouble le sommeil des innovateurs. C'est pour ça, ne sois pas intimidé par le fait qu'ils disent les mises en gardistes. La mise en garde, si elle est fondée, c'est une des plus grandes adorations en islam. C'est parmi les plus grandes causes pour protéger cette religion dans sa pureté, dans sa beauté, comme elle a été pratiquée à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam. N'aie pas honte qu'il t'appelle les mises en gardistes. Naam, la mise en garde, si elle n'est pas fondée, si elle n'est pas basée sur les preuves, elle est à rejeter, à délaisser. Elle n'a pas de valeur. Mais une mise en garde avec science et avec des preuves, c'est une des plus grandes adorations dans l'islam. C'est parmi les formes les plus élevées de le djihad dans le sentier d'Allah. Mais ces gens-là, pour se protéger, ils mettent en garde contre les mises en garde. C'est eux qui font déjà les mises en garde. Il dit, faut pas écouter. Yani, c'est une mise en garde. Alors pourquoi toi tu fais une mise en garde s'il faut pas faire de mise en garde? Et pourquoi tu dénigres Al-Sunnah et tu les insultes et tu les accuses d'être des ignorants? Et eux, quand ils mettent en garde avec preuves et arguments, attention, c'est des mises en gardistes. Il n'y a pas de problème. Mise en garde ici, Inch'Allah, avec le haqq. Que ça te plaise ou pas. Donc, c'est la même chose qui est répétée ici. Ils ont dit au cheikh, qu'est-ce que vous pensez de ceux qui disent, il n'y a pas besoin de toutes ces mises en garde qui divisent le rang et qui dispersent l'union des musulmans. La réponse de cheikh, ceux qui divisent les rangs des musulmans et qui dispersent leur union, ce sont ces appels de l'hizbiya, ces da'awat hizbiya, c'est les sectes en réalité qui divisent les musulmans. Mais les salafiyins, eux, ils appellent les gens à suivre le livre d'Allah et à suivre la sunna de son prophète, alayhi salatu wassalam. Ils ne les appellent pas à autre chose que cela. Ils appellent les gens à quoi les a appelés le prophète, alayhi salatu wassalam. Ils les appellent au tawhid, à la salat, au jeûne, et tout acte qui est une obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais en réalité, ce sont ces sectaristes qui ont inventé des choses bizarres. Tu les trouves doublés d'efforts dans les adorations surrogatoires qui ne sont pas obligatoires, tout en négligeant le dogme et la croyance sans laquelle l'islam n'est validé. Donc ils minimisent le tawhid et ils disent que shirk dont Al-Sunnah al-Jama'a parle, c'est une forme d'associationnisme ancienne, archaïque. Il n'y a plus de shirk aujourd'hui. Aujourd'hui, ils disent qu'il n'y a pas shirk dans l'adoration. Il y a shirk dans les palais, ce qu'ils appellent shirk al-Qusur. Mais shirk al-Qubur, il a disparu, il n'existe plus. Les gens qui vouent l'adoration à autre qu'Allah, ils disent ça n'existe plus. Mais ce qui existe aujourd'hui, c'est ce qu'ils appellent l'associationnisme dans les palais. C'est-à-dire, Houma, leur problème, c'est les gouverneurs. C'est pour ça qu'ils les rendent mécréants. Ils rendent mécréants les savants qui ne les rendent pas mécréants et qui restent sous leur tutelle et qui les acceptent comme gouverneurs. Et ça, c'est vraiment étonnant que quelqu'un puisse prétendre cela, que shirk a disparu. Et en plus de prétendre que c'est lui qui connaît la réalité et les savants ne connaissent pas la réalité. Le Nabi alayhi salatu wassalam, dans le hadith authentique, il a dit « وَسَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةٍ أَوْ مِلَّةٍ كلها في النار إلا ملة واحدة قال ومن هي يا رسول الله قال ما أنا عليه وأصحابي. Donc le prophète عليه الصلاة والسلام nous a parlé de la division dans cette communauté et que cette communauté elle se divisera en 73 sectes tout en enfer à l'exception d'une seule. Ils ont dit lesquels au messager d'Allah? Il a dit ceux qui seront comme je suis aujourd'hui ainsi que mes compagnons. Donc la division elle n'est pas blâmée d'une manière absolue. Si c'est une division avec la vérité, le Nabi a divisé les croyants des koufars, des mécréants. Il a divisé les mouahidines, les monothéistes, des associatres. Le Nabi il a divisé, comme c'est rapporté dans le hadith authentique. Les anges ont dit « Muhammadun farqun bayna an-nas » Friwaya farraqa bayna an-nas » Il a divisé. Ça, c'est les anges qui l'ont dit, comme c'est rapporté dans l'authentique de l'imam al-Bukhari. Alors, pas toute division est blâmée. La division qui permet de distinguer la vérité du mensonge, la guider de l'égarement, la foi de la mécréance, l'unicité de l'associationnisme, ça, c'est une division qui est louée. Mais la division qui est blâmée, c'est la division entre les gens de la vérité. Ceux qui suivent la même voie. Et en général, ce genre de division, ça revient à des maladies dans les cœurs. quand c'est entre les gens de la vérité, qui suivent la même voie. Donc cette communauté, elle se divisera. Et c'est un décret d'Allah subhanahu wa ta'ala qui arrivera forcément. Donc la question, c'est de savoir qui sont les gens de la vérité. Regarde la question de Sahaba, radiallahu anhum. Quand ils ont appris la division, ils n'ont pas dit, non, il ne faut pas qu'elle se divise, ou là, il ne faut pas qu'on mette en garde. Non, ils ont dit, qui sont le groupe sauvé au messager d'Allah, afin d'être avec les gens du groupe sauvé. C'est ça leur souci. C'est ça leur préoccupation. C'est d'être avec les gens de la vérité. Et aussi, bien évidemment, tant qu'on peut unir, on unit. Là, on arrive à des degrés où c'est plus possible l'union. Tant qu'on peut patienter avec un frère et lui faire da'wah et le conseiller, on le fait. Lakin, s'il arrive à un certain degré dans l'égarement, où il n'accepte pas la vérité, après qu'elle lui soit exposée et clarifiée, il la voit clairement, il la refuse, il la rejette, bah celui-là, on le délaisse. Donc on se doit tous de revenir au livre d'Allah et à la sunna de son prophète, alayhi salatu wassalam, et de suivre la voie des pieux prédécesseurs, et à leur tête, les quatre califes bien guidés, et les compagnons tous, qu'Allah les agrée tous. Donc on commence dans notre da'wa par tawhid. On appelle les gens au tawhid. Et tawhid, c'est la base de notre da'wa. On accorde de l'importance aussi au fondement de la religion, aux règles de la jurisprudence, et aussi les actes surrogatoires. Ça aussi c'est important. Le comportement également. Mais avant d'étudier les bases de l'islam, avant d'étudier le dogme, commencer à appeler les gens à des innovations et à des choses inventées comme le font les frères musulmans. Ils appellent les gens à un jeûne en groupe et à veiller la nuit en groupe, en salat, à faire un qiyam layl en groupe. Ils se fixent des rendez-vous pour jeûner, pour veiller la nuit en salat, ça c'est des innovations. Est-ce que Sahaba ils se mettaient d'accord pour jeûner tel et tel jour dans les actes surrogatoires? Je peux faire le rappel à mon frère, je peux le conseiller, je peux lui ramener les mérites de telle adoration, mais il n'y a pas de jeûne en groupe surrogatoire. Le jeûne qu'on fait en groupe, c'est le jeûne de Ramadan, le jeûne obligatoire. Mais le jeûne surrogatoire, Salaf il le cachait. Personne ne montrait son jeûne à l'autre. Ça, c'est la règle. Et dans toutes les adorations surrogatoires, la base, c'est de cacher tes adorations. C'est pour ça, salat surrogatoire à la maison est 27 fois meilleure que salat surrogatoire à la mosquée. Donc ça, en plus d'être des innovations et des égarements à quoi ils appellent les gens, en premier, ils négligent les fondements, ils négligent le tawhid. Et non pas seulement ils appellent pas les gens au tawhid, ils les mettent en garde contre les savants qui appellent au tawhid. Wallah musta'an. Voilà pour aujourd'hui mes frères. On va s'arrêter ici inshallah ta'ala. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik. نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.